Bien, ce soir nous allons étudier le Sermon sur la montagne, le premier des cinq discours de Jésus. Je voudrais faire un petit rappel parce que donc ça fait quand même l'été qui est passé entre temps. Et on avait vu la dernière fois, je crois, les béatitudes. Et notamment, justement, on avait rappelé au début que l'évangile de Matthieu, le plus juif de tous les évangiles, les quatre évangiles, est présenté par Matthieu comme une deuxième Torah. Cette deuxième Torah qui avait été annoncée par Moïse dans le chapitre 18 du livre du Deutéronome, où il nous est dit que quand le roi, donc, s'est interprété dans le judaïsme de l'époque de Jésus, à Qumran notamment comme le Messie, le roi c'est le Messie, quand le Messie s'assiera sur son trône royal, il donnera, on dit un peu Mishneh Torah, alors on traduit en général par un exemplaire de cette Torah, mais on peut aussi comprendre une deuxième Torah. Il donnera une deuxième Torah et il la répondra donc à toutes les nations. C'est pour Matthieu, Jésus est ce second Moïse qui donne au peuple d'Israël une deuxième Torah. Et de la même manière que la Torah de Moïse comprend cinq livres, donc la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome. De la même manière, l'évangile de Matthieu est articulé autour de cinq grands discours de Jésus qui correspondent aux cinq livres du Pentateuque. Le premier de ces discours, alors ces discours sont séparés, comme on l'a dit aussi, par des récits de la vie de Jésus, des miracles, des incidents divers qui ont marqué son ministère. Mais finalement, l'essentiel, ce sont, comme le dira Papias au début du deuxième siècle, qui était un des pères de l'Église, évêque de Colosse, les logias de Jésus, donc, ont été recueillis par écrit par Matthieu. Les logias, logia en grec, logos, ça veut dire les paroles de Jésus. Donc Matthieu a recueilli par écrit les paroles de Jésus. Donc l'essentiel du Matthieu primitif était effectivement les logias de Jésus, c'est-à-dire les enseignements, les paroles de Jésus. Jésus donc nous est présenté par Matthieu comme un second Moïse qui donne une seconde Torah. Et bien sûr, cette Torah commence, comme pour la Torah de Moïse, sur une montagne. Moïse a donné la Torah sur le mont Sinaï, et de la même manière, Jésus donne aussi sa Torah sur la montagne. Dans l'évangile de Matthieu, on a l'occasion de le dire, il est constamment question de la montagne. C'est la montagne sur laquelle Jésus se réfugie pour prier quand il est pressé par la foule, où il va tôt le matin, etc. C'est la montagne où il appelle ses disciples les douze quand il va les proclamer apôtres. Et enfin, c'est la montagne sur laquelle il donne rendez-vous à ses disciples après la résurrection et d'où il va donc donner ce que nos frères anglo-saxons appellent la grande commission, c'est-à-dire aller par le monde entier prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Cette montagne, elle a ceci de particulier, c'est qu'elle n'est pas du tout située géographiquement. C'est une montagne plus spirituelle qu'autre chose. Peut-être que les lecteurs de Matthieu connaissaient cette montagne, vraisemblablement d'ailleurs, parce que selon des textes anciens qui ont été conservés au monastère de Sainte-Catherine dans le Sinaï, au pied du Sinaï, un texte écrit en géorgien et ensuite traduit en latin, qui date du 9e, 10e siècle, 10e, 11e siècle plus exactement, l'auteur nous dit ceci, que l'évangile de Matthieu a été rédigé 5 ans après l'ascension. Donc 5 ans après l'ascension, ça veut dire qu'on se souvenait encore de beaucoup de détails, notamment en ce qui concerne la géographie. Donc il est vraisemblable que les premiers lecteurs de Matthieu connaissaient la situation géographique de cette montagne. Aujourd'hui, bien sûr, on donne une montagne des environs de Capernaum comme étant la montagne, on l'appelle en hébreu Arabachot, ça veut dire la montagne des béatitudes. J'ai une église qui a été construite à cet endroit-là, comme dans beaucoup d'autres lieux saints. Bon, est-ce ce lieu-là ou pas? Finalement, on peut en discuter. On n'a aucun élément qui aille dans un sens ou dans un autre. Mais il n'est peut-être pas impossible, vu le fait que les traditions orales sont beaucoup plus fiables que ce qu'on pourrait penser, il n'est pas impossible que la montagne en question, finalement, la tradition se soit perpétrée jusqu'à l'époque, disons, l'époque byzantine, où on a commencé donc avec Hélène, à assimiler les lieux saints avec des endroits précis. On sait que lors de son premier pèlerinage, Hélène, la mère de l'empereur Constantin, s'est fait indiquer les différents lieux saints pour qu'elle y construise des basiliques. Il n'est pas impossible, on ne peut pas être sûr, bien sûr, peu importe en fin de compte. Il est certain que cet endroit est un endroit magnifique, où on a une vue, une des plus belles vues qui soit sur le lac. En tout cas, donc, la montagne, elle est l'équivalent de la montagne du Sinaï. Donc, le nouveau Moïse, Jésus, donne sa Torah sur une montagne, comme l'a fait Moïse. Maintenant, il est intéressant de remarquer que cette deuxième Torah, elle n'est pas du tout en opposition avec la première Torah. Et elle ne la contredit pas, et elle ne l'annule pas non plus, contrairement à l'idée qui a été répandue dans le christianisme à partir des pères de l'Église, et notamment à partir d'Ignace d'Antioche, dès le début du IIe siècle, c'est-à-dire finalement très tôt. Et là, je voudrais donc que nous lisions l'introduction à ce serment sur la montagne, qui est un des plus longs discours que Matthieu nous ait conservé de l'enseignement de Jésus. Donc, au verset 17 du chapitre 5, « Ne pensez pas, dit Jésus, que je sois venu abolir la Torah ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota, pas un seul trait de lettre de la Torah ne passera jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui violera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. » Mon professeur du Nouveau Testament à Jérusalem, professeur Fousset, quand il commentait ce texte, disait ceci: « Dans la littérature juive, aucun sage d'Israël n'a fait en faveur de la Torah des déclarations aussi fortes que celles-là. » Jésus va donner cette nouvelle Torah qui est la sienne. Mais il ne veut pas qu'on se méprenne. Cette Torah n'annule en rien la première Torah, mais la confirme, la prolonge, et en réalité lui donne un autre sens. Cette parole de Jésus, je le disais tout à l'heure, est quelque chose qui embarrasse énormément les commentateurs chrétiens. Parce que je disais il y a un instant, depuis Ignace d'Antioche, on considère que Jésus a aboli la Torah et que nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Contre autre chose, Jésus a aboli le Shabbat, il a aboli les lois alimentaires, Jésus a complètement révolutionné en se faisant la loi juive. Et évidemment, ces déclarations de Jésus embarrassent beaucoup ceux qui professent ce genre de théorie. Alors, il faut essayer de justifier pourquoi Jésus dit-il des choses comme ça. Alors, chez les commentateurs, on a des acrobaties intellectuelles de très haut niveau. Et on nous dira, par exemple, que oui, Jésus a effectivement accompli la Torah. Mais il l'a fait pour que nous soyons dispensés de le faire nous. Pas mal, hein, comme raisonnement. Une autre interprétation qui rejoint la première et qu'on retrouve aujourd'hui dans une nouvelle version de la théologie de la substitution, qui est en train de faire son chemin dans beaucoup d'églises aujourd'hui et qu'on appelle la théologie de l'accomplissement. Cette théologie part d'une des affirmations de Jésus sur la croix, quand avant de rendre l'esprit, Jésus déclare « Tout est accompli ». Donc, tout est accompli, ça veut dire la Torah est accomplie, ça veut dire la Torah est devenue caduque, et la Torah n'a plus de sens, et c'est la raison pour laquelle, depuis le deuxième siècle, à partir d'un hérétique qui s'appelait Marcion, les écritures hébraïques ont été qualifiées dans le christianisme d'Ancien Testament, ça veut dire d'écritures qui sont caduques, qui sont abolies, et il ne reste plus que le Nouveau Testament. C'est cette doctrine, évidemment, qui a été professée dans l'Église et qui l'est d'une certaine manière encore, même si elle est parfaitement incohérente, parce que d'un côté, on nous dit que Jésus, donc, a accompli toute la Torah, et en même temps qu'il a pris des libertés vis-à-vis de la Torah, qu'il a violé le Shabbat, qu'il a violé les lois alimentaires, et on prend notamment le chapitre 7 de l'évangile de Marc, et en même temps on dit que Jésus a accompli toute la Torah pour que nous soyons dispensés de le faire. Il faut être logique un peu. Ou Jésus a respecté la Torah ou il l'a violée. Mais les deux choses ne sont pas compatibles. Alors, voyons d'abord, est-ce que Jésus a véritablement violé la Torah? Le professeur Fousset s'est livré à un examen très précis de cette question. Il a constaté que non, Jésus n'a jamais violé la Torah. Oui, mais alors, quid de ces controverses entre Jésus et les pharisiens? Quid de ces accusations qui ont été portées contre lui, justement, d'être quelqu'un qui violait la Torah? En fait, les principales controverses entre Jésus et les pharisiens portent sur deux points, sur trois points même, on pourrait dire. Le premier, c'est la question du Shabbat. La deuxième, c'est la question des lois alimentaires. Et la troisième, ce sont les relations avec les pécheurs. Les pharisiens étaient très stricts sur ces choses-là, notamment sur le non-contact avec les pécheurs. Le mot « pérouche » en hébreu, d'où vient le mot « pharisien » en français, signifie « des séparés ». Les pharisiens étaient des gens qui se séparaient des pécheurs, des gens de mauvaise vie, pour se consacrer au Seigneur, mener une vie sainte. Les pharisiens étaient des gens qui considéraient que les règles de pureté qui s'appliquaient aux prêtres devaient s'appliquer aussi à tout un chacun, à tout le peuple d'Israël. Pourquoi ces règles de pureté? Eh bien, elles avaient pour but, elles étaient en relation avec la vocation d'Israël d'être un peuple sacerdotal, d'un peuple prêtre, qui avait pour mission d'être prêtre pour toutes les autres nations. Et en quelque sorte, de préparer l'humanité tout entière à une rencontre ultime avec Dieu. Et ce faisant donc, le peuple d'Israël était astreint à un certain nombre de règles de pureté, notamment ce qui concerne les lois alimentaires, qui lui était absolument spécifique, comme il y avait des règles qui étaient spécifiques aux prêtres. Maintenant, Tout Israël étant un peuple de prêtres, disaient les pharisiens, il faut que tout Israël applique ses règles. Et notamment, il peut y avoir une impureté qui est communiquée par des pécheurs. Par exemple, on a un cas dans l'Évangile où l'on voit Jésus donc, qui était invité dans la maison d'un pharisien. On aura l'occasion de voir tout à l'heure que tous les pharisiens étaient loin d'être hostiles à Jésus. Et il était couché à table, et non pas assis, comme on l'imagine. On était couché à table à la manière des Romains, quand on faisait, en tout cas, bon, c'était pas tous les jours, dans les repas habituels, on était assis. Et quand on faisait un repas particulier, un repas de fête, on était couché. Et là, évidemment, le pharisien, Shimon, avait voulu honorer Jésus, donc il avait fait quelque chose qui sortait de l'ordinaire, et on était couché. Et donc vient cette femme pécheresse, cette femme prostituée, qui a ce parfum de grand prix, et qui va découvrir les pieds de Jésus, ça lui est facile évidemment, puisque Jésus est allongé, et qui va oindre les pieds de Jésus avec ce parfum. Et Shimon, en tant que bon pharisien qu'il est, raisonne en lui-même en disant, si cet homme était prophète, il saurait quel est le genre de femme qui le touche. C'est une prostituée. C'est une femme impure. Donc, en touchant Jésus, elle lui communique cette impureté, selon le principe des pharisiens. Et les pharisiens les plus stricts, auxquels certains des apôtres appartenaient d'ailleurs, un homme comme Pierre par exemple, eh bien, considéraient que tout païen, tout non-juif, était potentiellement impur. Notamment en ce qui concerne justement l'éthique sexuelle. Et c'est vrai que beaucoup de païens avaient une vie déréglée et dissolue, et comme on ne savait pas quelle était la vie privée de ces païens, on s'abstenait d'avoir le moindre contact avec un païen, et notamment d'entrer dans la maison d'un païen. On appelait ça l'impureté de tuilage. Et nous avons aussi un exemple dans l'Évangile qui rejoint cela. C'est lorsque le centurion de Capernaum, qui pourtant était un craignant Dieu, a son fils, son serviteur qui est malade. Donc il envoie des messagers vers Jésus pour demander à Jésus de prier pour ce serviteur. Et Jésus se met en route pour aller dans la maison du centurion. Et le centurion, qui est un craignant Dieu, qui connaît les coutumes juives, lui envoie avec beaucoup d'humilité une délégation pour lui dire, écoute, ne prends pas la peine de venir sous mon toit. Parce que je ne veux pas te mettre dans l'embarras, moi, centurion. Je suis un païen. Et selon la partie la plus stricte de la loi juive, finalement, entrer chez moi, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Mais je connais ta puissance, je sais que tu n'as même pas besoin de rentrer sous mon toit pour guérir mon serviteur. Dis un mot et mon serviteur sera guéri. Elle nous a dit que Jésus admire la foi de cet homme, non seulement parce qu'il a cru que Jésus pouvait guérir son serviteur à distance, mais qu'il a eu cette humilité de dire, eh bien, n'entre pas sous mon toit, je ne veux pas te mettre dans l'embarras. Et vous avez le même problème avec l'histoire de Corneille. Lorsque donc Corneille reçoit d'un ange l'ordre de faire venir Pierre qui lui est un pharisien de la stricte observance, et le Seigneur est obligé de lui donner une vision, la fameuse vision des animaux, comme le dira Pierre quand il interprète la vision, quand il entre dans la maison de Corneille, il dit ceci, vous savez qu'il est interdit à un juif d'entrer dans la maison d'un païen. Mais Dieu m'a appris à ne considérer aucun homme comme souillé ou impur. Ça veut dire que c'était le sens de la vision. Et non pas, comme on l'a interprété aussi avec les pères de l'Église, qu'à partir de maintenant, Pierre et les apôtres et les chrétiens pouvaient manger du porc, du lard et du cochon. Bon, c'était tout simplement ça. Or, justement, un des problèmes qui déconcertait le peuple d'Israël, et notamment les pharisiens, mais les pharisiens bien que peu nombreux, étaient en quelque sorte, comme le dira Jésus, assis dans la chair de Moïse, ça veut dire ils étaient ceux qui enseignaient le peuple, ils étaient les maîtres à penser du peuple. Et même si tout le peuple n'appartenait pas aux pharisiens, ils étaient fortement influencés par la doctrine des pharisiens. Or, Jésus, ce qui chauffait, c'est qu'il mangeait justement avec les pécheurs, avec les péagers, avec les prostituées, les gens de mauvaise vie, etc. Et en cela, il déconcertait, il était quelqu'un qui violait la Torah d'une certaine manière. Seulement, cette coutume à la destruction du temple, elle est tombée en désuétude. Et aujourd'hui, dans le judaïsme actuel, vous ne trouverez plus du tout ce genre de législation. Pourquoi ? Parce que, finalement, ça n'est pas quelque chose qui est directement dans la Torah, ça. C'est finalement une interprétation, une haie autour de la Torah, qui découle d'une certaine vision, justement, des lois de pureté qui sont données, notamment, dans le livre du Lévitique. Mais, finalement, qui se discute. Même chose en ce qui concerne le Shabbat. Jésus n'a jamais remis en cause le principe du Shabbat. Et les discussions qui ont porté avec les pharisiens sur cette question-là étaient non pas sur le principe du Shabbat, mais sur la manière pratique de le vivre. Et ça, c'est ce qu'on appelle en hébreu aujourd'hui la halakha. Ça veut dire que le texte biblique lui-même ne dit qu'une seule chose. Tu ne feras pas d'œuvre servile le jour du Shabbat. Point final. Et finalement, les rabbins se posent la question sur le plan pratique. Ça veut dire quoi, ne pas faire de travail le jour du Shabbat? Qu'est-ce qui doit être considéré comme un travail interdit ou au contraire quelque chose de permis? Finalement, la Bible ne le dit pas. Et pour cela se développe, notamment chez les pharisiens, toute une tradition orale qui, justement, légifère et résume dans ce domaine-là. C'est ce que l'on appelle dans le langage technique des rabbins le fait de lier et de délier. Vous retrouvez cette idée, par exemple, dans ce que Jésus dira à Pierre au moment de la confession de Césarée de Philippe, « Tout ce que tu liras dans le ciel sera lié sur la terre. » Ce qu'on appelle le pouvoir des clés. Ce n'est pas du tout ce que le catholicisme romain a interprété. Ça veut dire la possibilité, justement, de donner des règles pratiques à partir, justement, des enseignements bibliques. Vous avez trouvé ça, par exemple, dans les épîtres de Paul. Je prends un cas. Le mariage, tu ne commettras pas d'adultère. Jésus, donc, à partir de ce commandement, va légiférer, par exemple, pour ce qui concerne le divorce. Et sur la question du divorce, il y avait de très très nombreuses opinions différentes dans le judaïsme de l'époque, de Jésus, parce que, contrairement à ce qu'est le cas aujourd'hui, la halakha n'était pas encore fixée. Donc il y avait place pour différentes interprétations qui se contredisaient. Et donc Jésus, lui, à cause de l'idéal qui est le sien de l'amour du prochain, dit, eh bien, finalement, quelqu'un qui répudie sa femme, eh bien, finalement, n'entre pas dans la vision d'amour inconditionnel qui est la volonté de Dieu. Et ça, c'était la grande nouveauté de Jésus par rapport au judaïsme de son temps, l'amour inconditionnel de Dieu, y compris pour les pécheurs, et par conséquent, l'exigence pour les disciples de Jésus d'avoir aussi vis-à-vis de tous les prochains un amour inconditionnel, y compris pour les ennemis. Jamais le judaïsme n'était allé jusque-là. Le judaïsme se contentait de dire « Tu ne haïras pas ton ennemi ». Ça ne dira pas trop mal. Si déjà, entre chrétiens, on vivait ça, ça irait beaucoup mieux. Mais Jésus va encore beaucoup plus loin. Il dit non seulement Tu ne dois pas haïr ton ennemi et par conséquent lui rendre le mal pour le mal qu'il t'a fait, mais tu dois avoir pour lui un amour positif, un amour en acte. Et Jésus va ici donner une nouvelle interprétation du talion, même si Jésus justement n'abolit pas le talion. Il dit, vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Et moi je te dis, si on te frappe sur la joue droite, donne aussi la joue gauche. Si on te prend ton manteau, donne aussi ta tunique. Si on te force à faire un mille, fais-en deux, etc. Ça veut dire le véritable talion de Jésus, le véritable sens du talion. Ça n'est pas de rendre le mal pour le mal au même niveau. Ça, c'est une doctrine qu'on trouve chez les Esséniens et dans les Targum, c'est-à-dire les traductions araméennes de la Bible. Mais c'est justement de rendre au niveau du mal qui vous a été fait, rendre ce mal sous forme de bien, d'une manière équivalente. On t'a frappé sur la joue droite, donne la joue. C'est pas quelque chose à prendre à la lettre, bien sûr. Jésus ne l'a pas fait, d'ailleurs. Quand il a été frappé, vous vous souvenez, sur la joue, au moment de son procès, Jésus n'a pas tendu la joue gauche. Il a même réagi, il dit, mais qu'est-ce que j'ai dit de mal? Et si j'ai dit de mal, pourquoi est-ce que tu me frappes? Bon. Mais c'est un principe. Ça veut dire, tu dois rendre le mal qu'on t'a fait sous forme d'un bien équivalent. À la même dimension, la même proportion de mal qu'on t'a fait, tu dois rendre la même proportion de bien. Alors, voyez-vous, le message de Jésus était totalement révolutionnaire pour les hommes et les femmes de son temps, mais il n'était pas en opposition avec la Torah. C'était un peu déroutant pour ses auditeurs, mais finalement, Jésus s'inscrivait dans le judaïsme et Jésus s'inscrivait à fond dans la Torah de Moïse. Bon, c'est... Prenons par exemple les trois cas que j'ai évoqués, commençons par l'accueil des pécheurs. Il y avait dans la tradition juive cette idée que le Messie était le rassembleur du peuple. Vous avez de très très nombreuses prophéties qui vont dans ce sens-là. Le peuple d'Israël dispersé, la diaspora. Et une des fonctions du Messie au dernier jour, c'est de rassembler les exilés d'Israël des quatre extrémités de la terre. Et ce rassemblement en un seul corps, en une seule ecclésia, keila, c'est-à-dire on traduirait par église. L'église, c'est ça. L'église, c'est le rassemblement du peuple de Dieu. Et dans ce domaine-là, non seulement le Messie doit rassembler ceux qui sont loin géographiquement pour les ramener dans le pays d'Israël au temps de la fin, et les prophètes, évidemment, ont donné de très nombreuses prophéties qui vont dans ce sens-là, mais Jésus l'interprète aussi de la manière suivante. Dès à présent, je dois rassembler les brebis perdues de la maison d'Israël. Quelles sont les brebis perdues de la maison d'Israël? Les publicains, les prostituées, les pêcheurs, les péagers, etc. Ça veut dire ceux qui, par les pharisiens, sont exclus de la communauté d'Israël. Vous retrouvez ça, par exemple, lorsque, dans l'évangile de Jean, Caïphe dit ceci, et il n'est pas... il vaut mieux qu'un seul homme meure pour tout le peuple, etc. Et Jean ajoute, il dit ceci, que Caïphe n'a pas parlé lui-même, mais qu'en tant que grand prêtre, même si c'était un prophète, un grand prêtre particulièrement dévoyé, il n'en demeure pas moins qu'il a prophétisé. Il a prophétisé que Jésus devait mourir pour le peuple, afin de rassembler en un seul corps tous les enfants de Dieu dispersés. Par conséquent, ce qui choque les pharisiens, le fait que Jésus va en priorité vers les pécheurs, eh bien finalement, n'est pas opposé à la Torah du Seigneur, puisque une des fonctions du Messie, c'est justement de rassembler les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc, bien que déroutant pour les pharisiens, c'est quelque chose qui est parfaitement cohérent avec la vision biblique et la vision de la Torah. Bien, pour le Shabbat, Jésus ne discute pas encore une fois le principe du Shabbat, mais son application pratique. Alors, j'ai juste donné deux ou trois exemples. Par exemple, la question des épis froissés. Vous vous souvenez, ce texte nous a dit qu'un jour, les disciples traversaient un champ de blé mûr. C'était un jour de Shabbat, et ils ont cueilli des épis, les ont froissés dans leurs mains, et les ont mangés. Bon. Et donc, grande controverse avec des pharisiens de stricte observance. Et donc, discussion sur cette question-là. Or, à cette époque-là, il y avait une halakha qui n'était pas encore fixée. Et il faudra attendre donc le deuxième siècle de notre ère pour qu'on ait dans la Mishnah donc des données sur cette question. Et il est intéressant de noter que les rabbins de la Mishnah, les Tanaïm, ont légiféré exactement dans le même sens que Jésus, à savoir que la halakha dit ceci. Quand un jour de Shabbat, on a faim, on peut cueillir des épis, et on peut les manger à condition de ne pas les faire cuire, ce qui a été le cas pour les disciples. Donc, par rapport à la halakha moderne, Jésus ne serait absolument pas en faute. Bon, deuxième exemple, les guérisons le jour du Shabbat. Ça, c'était quelque chose qui était un grand problème dans les controverses entre Jésus et les pharisiens. Et Jésus, donc, guérissait le jour du Shabbat. Or, il y a aussi une halakha qui existait déjà à l'époque de Jésus, celle-là, par contre. C'est ce qu'on appelle, depuis l'époque des Maccabées, elle existait, c'est ce qu'on appelle la halakha du pikuar nefesh. Ça veut dire un cas de force majeure. Ça veut dire que la Torah est une Torah de vie. Et toute interprétation de la Torah qui doit conduire à la mort est une fausse interprétation. Bien. Si quelqu'un tombe malade, gravement malade, un jour de Shabbat, qu'est-ce qu'on va faire? Jusqu'à aujourd'hui, dans le judaïsme, quand une vie humaine est en danger, on a le droit de violer le Shabbat. Et vous verrez des ambulances circuler même le jour du Kippour dans les rues de Jérusalem quand il y a justement un malade en danger de mort. Et vous avez dans tous les hôpitaux israéliens, bien sûr, comme dans tous les hôpitaux du monde, vous avez des tours de garde, les médecins qui sont là justement pour faire face aux urgences qui peuvent arriver pendant cette période-là et pendant toutes les périodes de fête. Donc Jésus ici s'inscrit dans cette tradition du pikuar nefesh et il dira, mais même pour les animaux, si vous avez un animal en danger de mort, vous allez le sauver lui aussi, bien que ce soit un animal, à plus forte raison des êtres humains. Seulement, la halakha dit ceci, jusqu'à aujourd'hui. On a le droit de violer le Shabbat à condition que l'on ait affaire à une vie qui soit en danger. Si le traitement peut être remis au lendemain, il faut attendre. Or, justement, c'était le problème pour Jésus. Jésus guérissait des paralytiques, des gens qui étaient estropiés, bossus et tout ce que vous voudrez, qui l'avaient été pendant des années. Et le chef de la synagogue, en ce qui concerne la femme qui avait la main paralysée, dit « Ah, mais enfin, cette femme, elle a été malade depuis des années ». Tu aurais pu attendre demain la fin du Shabbat pour la guérir. C'est pas parce qu'elle aurait encore eu sa main paralysée pendant 24 heures que ça aurait été un désastre, une catastrophe. Alors là aussi, voyez-vous, la halakha, elle est très subtile. La halakha moderne dit ceci. Oui, on n'a pas le droit de guérir un malade le jour du Shabbat par des techniques médicales ou chirurgicales. Mais par contre, on a le droit de les guérir par la parole. Or, justement, Jésus a guéri par la parole. Donc, en cela aussi, il n'était pas coupable au vu de la loi juive. Et Jésus va employer un nouvel argument. Il dit, qu'est-ce que le jour du Shabbat? Quel est le sens du jour du Shabbat? C'est un jour où on glorifie Dieu. Or, quoi de plus glorieux que de guérir par la puissance de Dieu un malade qui a été malade depuis tant d'années, un homme qui a été courbé depuis tant d'années? Est-ce que ce n'est pas une manière de glorifier Dieu? Voyez-vous, encore une fois, les controverses entre Jésus et les pharisiens ne portaient pas sur le fond de la loi juive, mais, disons, sur la manière pratique, ce qui était en discussion à cette époque-là. Parce qu'il y avait plusieurs halakhot aussi dans le judaïsme à cette période-là. Par exemple, je reviens sur la question du divorce, où nous avons deux grandes écoles qui s'opposent dans le judaïsme. Vous savez que la Torah permet le divorce, et par conséquent, le problème est de savoir pour quelle raison, et c'est la question qu'on posait ici à Jésus, pour quelle raison un homme pourrait-il avoir le droit de répudier sa femme? Alors vous avez une position extrême qu'on trouve donc chez ce qu'on appelle les Hillélites, qui dit que finalement un homme peut répudier sa femme pour n'importe quoi. Si elle a, par exemple, si elle a laissé brûler le repas, il a le droit de la répudier. Alors, on a des choses amusantes. Des gars qui ne pouvaient plus supporter leur femme, ils faisaient en sorte que la femme fallait cuire le repas, et ensuite ils la répudiaient. Alors vous avez une autre tendance qui disait, en prenant, parce qu'ils écrivent dans la Torah, si un homme trouve chez sa femme quelque chose de honteux. Alors quelque chose de honteux, ça veut dire quoi? Là aussi, c'est pas précisé. Alors, pour Hillel, quelque chose de honteux, c'était de laisser brûler le repas. Bon, c'est un peu court, vous avouerez. Et donc, l'autre extrême, les Shamaïtes, ont interprété cette expression, quelque chose de honteux, comme l'adultère. L'adultère, c'est niouf en hébreu, pornéga en grec, toutes les formes, disons, de désordre sexuel. C'était finalement la seule raison pour laquelle on pouvait répudier sa femme. Donc voyez-vous, il y avait différentes. Alors il y avait aussi des nuances entre ces deux extrêmes. Il y avait des nuances sur la question du divorce. Et aujourd'hui, il y a un traité dans le Talmud qui traite de toutes ces choses-là. Ça s'appelle Gittin. Je me suis coltiné ça pendant un an quand j'étais à l'université hébraïque et je ne voulais plus me parler du divorce à la fin. Tellement c'est d'une subtilité. Alors si jamais le mari disparaît, il s'en va en voyage et puis il revient plus, n'est-ce pas, au bout de combien de temps la femme a-t-elle le droit de se remarier? Enfin bon, il y a toutes sortes, tous les cas de figure sont envisagés avec des opinions extrêmement diverses. Bon, donc ici c'est pas sur la question elle-même, et Jésus dira non, pour aucune raison. Pour aucune raison, un homme ne devra pas se répudier sa femme. Oui, mais Moïse nous a ordonné. Non, dit Jésus. Moïse nous a permis. Attention, ce n'est pas un ordre, c'est une permission. À cause de la dureté de vos cœurs. Mais, dit Jésus, au commencement, il n'en était pas ainsi. Et voyez-vous, ici, vous retrouvez ça, par exemple, aussi chez Paul, dans le chapitre 7 de la première aux Corinthiens. Où les Corinthiens posent des questions précises à Jésus, ils disent, oui, bon, d'accord, mais si, par exemple, une femme a un mari incroyant, qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse? Si, bon, bref, toutes sortes de questions pratiques qui se posent. Jésus n'a rien dit sur ces questions-là. Et Paul, donc, répond, il commence de la manière suivante, il y a une parole de Dieu, de Jésus lui-même, qui dit, eh bien, l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Maintenant, c'est vrai. Que faire en cas, par exemple, où une femme a un mari incroyable? On va pas le dire si la femme accepte de rester, le mari accepte de rester avec sa femme, qu'elle ne se sépare pas. Mais si l'homme se sépare, eh bien, qu'elle se sépare. La femme n'est pas liée dans ce cas-là. Parce que Dieu nous appelle à vivre en paix. Et les veuves, alors? Eh bien, les veuves, oui, aussi longtemps que le mari est vivant, une femme est liée à son mari. Mais s'il meurt, elle peut se remarier avec qui il veut, à condition que ce soit dans le Seigneur. Et les vierges, alors? Alors là, c'est compliqué, là, je ne vais pas entrer là-dedans, parce que... ça, c'était un des passages les plus difficiles à traduire du Nouveau Testament. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais pour vous dire que, qu'est-ce que fait Paul, là? Il lit et il délit. C'est-à-dire, il fait le travail de ce qu'on appellerait aujourd'hui un rabbin pochette. C'est-à-dire des rabbins qui ont le droit de légiférer quand il y a des nouvelles questions qui se posent. Exemple, les grèves d'organes. Quand on a commencé à faire des grèves d'organes, on a posé la question, oui ou non, a-t-on le droit, en tant que juif, de pratiquer ou de recevoir ou de donner des organes pour ça? C'est pas écrit dans la Torah. Et finalement, vous avez un certain nombre de rabbins, un petit nombre de rabbins qu'on appelle les poshtim, qui ont cette capacité, cette possibilité de lier et de délier. Ça veut dire de permettre ou d'interdire. Et finalement, les rabbins ont conclu sur cette, les poshtim ont sur cette question, ont dit oui, il est possible de faire des grèves d'organes parce que la Torah est une Torah de vie, et par conséquent, une grève d'organes a pour but de conduire à la vie. Et par conséquent, si les grèves d'organes avaient existé à l'époque de Moïse, ils auraient été d'accord. Et entre parenthèses, l'histoire des témoins de Jéhovah qui interdisent les transfusions, et où c'est une fausse interprétation de la Torah, parce que là, justement, ça conduit à la mort. Donc ici, voyez-vous, là non plus, Jésus ne viole pas la Torah. Donc sur toutes les questions, Jésus... On discute, mais ça se discutait dans le judaïsme de son temps. Dernier point, sur les lois alimentaires. Alors, il faudrait reprendre le texte de Marc 7 en particulier, où donc on accuse Jésus de ne pas de manger sans se laver les mains. Bon, ça c'est une règle qu'on a dans la halakha encore aujourd'hui chez les juifs pieux. Et même si vous sortez de votre douche, vous devez vous laver les mains avant le repas. C'est pas une question d'hygiène, c'est une question de pureté rituelle. Et donc, Jésus ne pratiquait pas ça. Alors on l'accuse, il dit, mais enfin, j'ai dit non. Où est-ce que c'est écrit qu'il faut se laver les mains avant le repas? Nulle part. Ça, c'est pareil. C'est une conclusion qui vient de ces règles de pureté extrême qui ont été élaborées par les pharisiens. Parce que finalement, ce n'est pas en mangeant avec des mains non purifié, souillé, que finalement, on va souiller l'intérieur du corps. Ce n'est pas les aliments qui souillent le corps, mais c'est les mauvaises pensées, c'est tout cela, ce n'est pas tout ce qui est dans le cœur mauvais de l'homme. Et Marc dit ceci, et ça c'est un des textes fondamentaux de la théologie de la substitution, il déclarait pure toute nourriture. Conclusion, Jésus autorisait à manger du porc, du lard et du cochon, tout ce que vous voudrez. Mais la question ne repose absolument pas sur ce point-là. Elle repose tout simplement sur la question de savoir si l'on pouvait manger ou non la nourriture cachère. C'est pas une remise en cause de la cachoute, c'est une remise en cause du rite de se laver les mains avant de consommer même de la nourriture cachère. Et voyez-vous, là aussi, ce sont des discussions subtiles de la tradition rabbinique. Alors, la conclusion à laquelle nous arrivons est simple. Jésus n'a jamais violé la Torah. Ah, bon, alors on revient à notre texte. Puisque Jésus a respecté la Torah, tout est accompli. Donc nous n'avons plus rien à faire avec la Torah. D'ailleurs, Jésus n'a-t-il pas dit quand il était sur la croix, je citais tout à l'heure, tout est accompli. Bon, le problème, c'est que cette expression, tout est accompli, par rapport au texte original, n'est pas tout à fait juste. Il y a deux mots en grec pour désigner l'accomplissement. Et le mot qui est employé ici, c'est le mot telestetai, avec la racine telos, qui signifie le but. Ça veut dire, le but a été atteint. Jésus ne dit pas qu'il accomplit la Torah quand il est sur la croix. Il dit que ce qui était le but de sa vie, le but de sa vocation a été atteint. Il a accompli tout ce qu'il devait accomplir de la part de son Père, y compris le dernier point, à savoir justement demander à Jésus pour être abreuvé de vinaigre. C'était le dernier point. Et là, le but a été accompli. Il peut rendre l'esprit à son Père. Et par conséquent, ça n'a rien à voir avec l'abolition de la Torah. D'ailleurs, ce texte, il est en relation, je ne sais pas si on en avait déjà parlé la dernière fois, on en a déjà parlé ensemble, il est en relation avec le psaume 22. Psaume que Jésus a récité quand il était sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Et c'est un texte qui souvent choque. Comment Jésus, le Fils de Dieu, peut-il se plaindre d'avoir été abandonné par son Père ? Son Père aurait-il effectivement abandonné son Fils ? Or, on oublie le fait que, à l'époque biblique, les matériaux d'écriture, à savoir le papyrus ou le parchemin, étaient extrêmement chers. Et on l'économisait au maximum. Et notamment, tout ce qui concernait la Bible, en général, était appris par cœur. Les contemporains de Jésus avaient une mémoire phénoménale, et l'essentiel de la parole de Dieu était apprise par cœur et mémorisée. Si bien que, quand on voulait citer des textes bibliques, pour économiser de la place sur les parchemins, eh bien, on mettait simplement le début. Le début du texte ou la fin du texte. Et la fin du texte. Ça veut dire, il faut, par exemple, lire tel passage de tel verset à tel verset. Et après, le lecteur complétait lui-même à partir de ce qu'il avait dans sa mémoire. Autrement dit, quand Jésus cite « mon Dieu, tu as abandonné », c'est pas simplement ce verset qu'il cite, c'est l'ensemble du psaume. Et l'ensemble du psaume qui se termine par la certitude de la délivrance. Si vous lisez le psaume 22, vous voyez que ça commence effectivement par un cri de désespoir, mais ça se termine par un cri d'espérance. Et notamment, ça se termine par une expression hébraïque. Qui a ça ? Chose étonnante, certaines versions de nos Bibles ont omis ce texte, ce dernier verset. Je ne sais pas pourquoi. Et au nom de quoi ? Mais qui a ça ? Ça veut dire littéralement car il a fait, car il a agi. Et par conséquent, la parole de Jésus sur la croix, Telestetai, correspond à ça. Ça veut dire que sur la croix, Jésus cite le premier verset du psaume 22 et le dernier verset. Ça veut dire que Jésus a récité sur la croix l'ensemble du psaume. Comme tout juif doit le faire au moment de la mort, on doit mourir en ayant la parole de Dieu sur les lèvres, ce que Jésus a fait. Donc voyez-vous, Jésus a vécu en juif, il est né en juif et il est mort en juif. Donc Jésus n'a jamais renié son peuple contrairement à ce que l'on croit. Donc ne croyez pas que je sois venu pour abolir la Torah ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Et là, c'est pareil, il nous faut revenir maintenant sur... il faut retraduire ces textes en hébreu, parce que dans leur version grecque et à fortiori dans leur version française, elles sont source de malentendus. Abolir ou accomplir. Eh bien, ce sont deux mots... du vocabulaire rabbinique, deux mots techniques, qui correspondent à deux mots hébreux, l'évatel ou l'ekayem, que les évangélistes, quand ils ont traduit en grec, ont traduit littéralement. Mais dans le vocabulaire des rabbins, l'évatel ou l'ekayem, donc abolir ou accomplir, ça signifie littéralement donner une fausse interprétation ou donner une véritable interprétation. Ça veut dire que quand on donne une véritable interprétation du commandement, on l'établit. Si on a une mauvaise interprétation du commandement, on l'abolit. Et Jésus dit ceci, je ne vais pas ici, je ne suis pas venu, mais ça c'est pareil, la traduction n'est pas tout à fait juste. Et en fait c'est, je ne viens pas pour abolir la Torah ou les prophètes. Je viens non pour abolir, mais pour accomplir. Ça veut dire, je ne viens pas pour donner une autre interprétation que celle de la Torah. Je ne viens pas, a fortiori, pour donner une mauvaise interprétation de la Torah, mais pour en donner le sens véritable. Et on a vu, par exemple, un cas tout à l'heure avec l'histoire du talion, où Jésus ne remet pas en cause le talion, mais il donne l'interprétation juste du talion, qui n'est pas de flanquer une baffe à celui qui t'a donné une baffe, la lui rendre, mais au contraire, lui faire lui rendre en bien. Et ensuite, Jésus donne un certain nombre d'exemples, notamment justement dans ce qu'il appelle les petits et les grands commandements. Bon, ça, on va y revenir dans un instant, mais je voudrais que nous disions deux mots dans ce que Jésus ici nous dit. En vérité, verset 18, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota, pas un seul trait de lettre de la Torah ne passera jusqu'à ce que tout soit arrivé. Quand nos braves frères, qui sont des adeptes de la théologie de l'accomplissement, comme je disais tout à l'heure, à savoir que puisque tout est accompli, tous les commandements sont mis de côté, ils oublient une chose. C'est que Jésus nous dit, aussi longtemps que le ciel et la terre subsisteront, il ne disparaîtra pas un iota et un trait de lettre. Question à 1000 euros, le ciel et la terre existent-ils encore aujourd'hui? Conclusion, pourquoi? Ah, je vais vous raconter une petite histoire. À peu près l'époque de Jésus, il y avait un scribe, un rabbin qui était un scribe. Vous savez, c'est là peut-être qu'il pourrait nous présenter sa Torah, là. Voilà. Vous savez que dans la synagogue, on lit la Torah, non pas dans un livre comme ça, qu'on appelle un codex, mais ce qu'on appelle un livre dans la Bible, c'est ça. Voilà. On peut se lever pour le montrer, ou vous pouvez me le donner. Voilà. Voilà, donc des rouleaux, voyez-vous, c'est écrit sur des colonnes. Et c'est écrit à la main, pas celle-là, parce que autrement, il l'aurait payé un peu plus cher que ce qu'il a eu. Mais logiquement, c'est écrit à la main, encore aujourd'hui, par des scribes professionnels, selon les techniques qui étaient employées à l'époque de Jésus. Et vous avez chaque colonne qui correspond à une lecture de la ce qu'on appelle la paracha de la semaine, c'est-à-dire la portion de la Torah que l'on lit dans la semaine. Et ensuite on enroule sur le et on passe à la suivante, à la paracha suivante. Et vous avez encore aujourd'hui des scribes professionnels dont le métier consiste à copier la Torah. À raison de 5 heures par jour à peu près, il faut compter environ 2 ans pour écrire l'ensemble de la Torah. Surtout qu'il y a des règles très précises, par exemple, avant d'écrire le nom de Dieu, on doit se plonger dans le Mikvé, donc ça prend aussi du temps. Et ensuite c'est corrigé par d'autres scribes pour être sûr qu'il n'y a pas de fautes qui sont restées dedans. Bon, c'est un travail très complexe. Par conséquent, le travail du scribe, les scribes en sont en question du Nouveau Testament, associés aux pharisiens souvent d'ailleurs, parce que la plupart des scribes étaient des pharisiens. Et donc il y avait ce scribe qui s'appelait Rabbi Ishmael. Et en principe jusqu'à aujourd'hui, la fonction de scribe est une fonction héréditaire qui se transmet de père en fils. Et lorsque Rabbi Ishmael a senti sa mort prochaine, il a fait venir son fils, qui devait lui succéder, et lui a donné ses dernières instructions. Il lui a dit, mon fils, sois très attentif quant au travail que tu vas effectuer. Très soigneux, très scrupuleux. N'ajoute aucune lettre et n'en oublie aucune, car elles contiennent le ciel et la terre. Comparé avec cette parole de Jésus, aussi longtemps que le ciel et la terre subsisteront, il ne disparaîtra pas un seul iota et un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit accompli. Et qu'est-ce que ces deux rabbis voulaient dire, Rabbi Ishmael et Rabbi Yeshua? Eh bien, finalement, ce que l'on a toujours cru dans le judaïsme, c'est que le monde est régi. Et ça, évidemment, les savants nous le diront, il est régi par des lois physiques. Et si ces lois physiques venaient à disparaître, le monde ne subsisterait pas. Parmi ces lois physiques, je donne simplement un exemple, il y a la loi de la pesanteur. Si je lâche ce crayon, il tombe. Bon. Imaginez que la loi de la pesanteur disparaisse. Vous imaginez ce qui se passerait? Chacun d'entre nous, on volerait comme des petits oiseaux, et puis on irait n'importe où, n'importe comment. Le ciel et la terre disparaîtraient. Si les lois qui maintiennent la force nucléaire, qui tient les atomes entre eux, disparaîtraient, qu'est-ce qui se passerait? Une espèce de formidable explosion nucléaire à l'échelon de l'univers entier qui disparaîtrait. Donc le monde est fondé sur des lois physiques que les physiciens peuvent étudier et analyser. Mais les sages d'Israël nous disent ceci, le monde n'est pas seulement fondé sur des lois physiques, il est aussi basé sur des lois spirituelles et morales. Et ces lois, ce sont les 10 commandements. Et celui qui touche à un de ses plus petits commandements, il en rejoint ce que Jésus nous dit, il touche au fondement même du ciel et de la terre. Car si l'on annule ces commandements, eh bien c'est l'univers entier qui disparaît. Et les prophètes ont aussi annoncé ça quand ils dénonçaient la manière dont le peuple d'Israël violait la Torah de Dieu. Et notamment en parlant des derniers temps. La terre chancelle comme un homme ivre, les étoiles tombent du ciel, le soleil et la lune ne donnent plus leur éclat, les montagnes s'effondrent, les mers, enfin bref, c'est le désordre généralisé. Pourquoi? Parce qu'on a touché au fondement du ciel et de la terre. Et nous sommes, nous, actuellement, exactement en train de vivre ça. Nous pouvons regarder ce qui se passe dans notre monde. Tous les 10 commandements sont battus en brèche. Il n'y en a pas un seul qui reste debout. Résultat, pollution, réchauffement climatique, bouleversement de la terre tout entière. La terre chancelle comme un homme ivre. Pourquoi? Parce que on a bricolé avec les lois physiques, oui, mais aussi essentiellement parce qu'on a touché aux lois spirituelles, on a touché aux 10 commandements. Aussi longtemps que le ciel et la terre subsisteront, pas un seul iota et pas un seul trait de l'être ne disparaîtra. Alors, ensuite, Jésus nous dit, c'est pourquoi. Alors, oui, pas un iota, un seul trait de l'être, ça aussi Rabbi Ishmael l'avait dit à son fils, parce qu'il y a là des secrets de l'univers qui finalement sont cachés dans ces choses-là. Et la Torah a un sens prophétique jusqu'à la fin des temps. La Torah prophétise sur les choses dernières. Bon, ça, je le développerai dans un autre cadre. Maintenant donc je reviens à ce texte où Jésus nous dit ceci, c'est pourquoi celui qui violera un de ces petits commandements, eh bien sera appelé petit dans le royaume de Dieu. Donc Jésus fait une différence, ce qu'on appelle ici les petits et les grands commandements. Là aussi il faut retraduire en hébreu, parce que ce sont aussi des notions techniques du vocabulaire rabbinique. On appelle ça en hébreu mitzvot kalot ou mitzvot chamurot. Ça veut dire littéralement commandement lourd et commandement léger. Alors, quelle différence il y a entre ces deux types de commandements? Eh bien, les rabbins se posent la question, et Jésus le fait aussi ici. Prenons par exemple un des commandements que Jésus va développer. C'est intéressant parce que Jésus ici va prendre, outre la question du talion, la question du divorce et des questions de ce type-là, il va prendre un certain nombre de commandements. De ce qu'on appelle la deuxième table de la loi. Vous savez que donc la Torah, les 10 commandements, est écrite sur 2 tables. 5 commandements sur une table, et 5 commandements sur l'autre. On constate que la première table, les 5 premiers commandements, concernent les devoirs que l'on a envers Dieu. Et la deuxième table concerne les commandements vis-à-vis du prochain. Ce qui fait que dans le judaïsme, à l'époque de Jésus déjà, ont résumé la Torah de deux manières. Donc résumer les dix commandements de deux manières. Vous avez ça dans l'entretien de Jésus avec le docteur de la loi, où Jésus dit, on lui demande quel est le plus grand commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, première table. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, deuxième table. Ce qui veut dire que la Torah, les dix commandements, la pratique des dix commandements, c'est l'amour de Dieu. Jésus dira exactement la même chose. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il est impossible de dire j'aime Dieu et de ne pas garder ses commandements. Donc ici, Jésus va commenter essentiellement les commandements de la deuxième table. Premier commandement, tu ne tueras pas, comme on traduit, mais tu ne commettras pas de meurtre. C'est important de faire cette nuance, parce que il y a des cas où la mise à mort d'un être humain s'impose. Ça fait partie des commandements noachiques. Je dis à Noé que je redemanderai le sang de chaque être humain à son frère. Celui qui verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Ça veut dire, commettre un meurtre, tuer un homme, c'est toucher à l'image de Dieu. Même si cet homme, c'est un démon, même si c'est un enfant dans le sein de sa mère, c'est toucher à l'image de Dieu. Un malade en fin de vie, c'est toucher à l'image de Dieu. Et celui qui agit de cette manière-là, son sang doit être répandu. Ça veut dire, contrairement à la sentimentalité actuelle de notre temps, la Bible est pour la peine de mort. Bon, même chose en cas de où quelqu'un justement menace son prochain, il doit être neutralisé. Délivre ceux qu'on traîne à la mort, dit le livre des Proverbes. Et quelquefois, pour délivrer quelqu'un que l'on mène à la mort, il faut employer la violence. Et Jésus n'est pas un non-violent. Jésus n'est pas Gandhi. Il n'est pas un inconditionnel de la non-violence. Il est pour la non-puissance. C'est autre chose. C'est pas tout à fait la même chose. Et Jésus demandera à ses disciples d'acheter des épées au moment de la Passion, vous vous en souvenez, et même les disciples en présentent. Ils disent, mais on a déjà ici des épées, deux épées. Ils disent, bon, ça va, c'est bon, ça suffit. Mais une épée, c'est fait pour quoi? Hein? C'est clair. Bon. Et il y a des guerres, non pas justes, mais des guerres légitimes. C'est pourquoi Israël aussi a été amené, est un peuple qui a été amené à combattre. Bon, ça c'est tout le problème de la non-violence, c'est pas le lieu ici pour en discuter, mais en tout cas, voilà ce que ici la Bible nous dit. Donc tu ne commettras pas de meurtre. Bon, ça c'est le commandement, ce qu'on appelle en hébreu le commandement lourd. Bon, question que les rabbins se posent, qu'est-ce qui peut amener un être humain à trucider son prochain? C'est quand même pas quelque chose de banal, c'est quand même pas quelque chose qui se pratique tous les jours, heureusement. Réponse, la haine, la colère, la rencune, la jalousie, Caïn et Abel par exemple, bref, tous ces mauvais sentiments-là. Et les rabbins disent, pour empêcher justement qu'un jour tu sois amené à commettre l'irréparable, eh bien, ne permets pas à ces sentiments mauvais de venir dans ton cœur. Ne permets pas à la colère d'entrer dans ton cœur, à la haine d'entrer dans ton cœur, etc. Parce que justement, si tu tolères dans ton cœur ces mauvais sentiments, qui te dit qu'un jour, emporté par un élan de colère, tu ne vas pas passer à l'acte, que tu regretteras après, mais ce sera trop tard. Tu auras commis l'irréparable. Alors les rabbins font autour du commandement une haie, ce qu'on appelle une haie autour du commandement, en disant, pour éviter de violer le commandement lourd, tu ne commettras pas de meurtre, évite de violer les commandements légers, ça veut dire ne tolère pas dans ton cœur la colère, la rancœur, la jalousie et tout ce qui pourrait éventuellement t'amener au meurtre. Deuxième commandement que Jésus prend ici aussi comme exemple, l'adultère. Qu'est-ce qui peut amener un homme à commettre l'adultère? Le fait de convoiter une femme. Et donc, Jésus dit ceci, pour ne pas violer le commandement lourd, l'adultère, ne permets pas au commandement léger de rentrer dans ton cœur. Ne regarde pas une femme pour la convoiter. Ne te repais pas de pornographie ou de choses semblables, parce que tu vas allumer un feu dans ton cœur que tu ne contrôleras pas, et un jour tu passeras là que tu regretteras, mais ce sera fait. Voyez-vous, cette différence entre commandement lourd et commandement léger. Même chose ensuite, Jésus prend le faux témoignage, le mensonge. Et puis là aussi, ne laisse même pas supposer que tu puisses avoir une parole qui soit double. Et c'est la raison pour laquelle ne commets pas de serment, parce que si tu fais un serment, ça veut dire qu'il y a d'autres moments où je ne parle pas d'une manière conforme à la vérité. C'est l'humoriste Fernand Reynaud qui avait cette réflexion. Il dit, tu veux que je te parle sincèrement? Non, parle-moi comme d'habitude. Oui, ben voilà, c'est un petit peu ce que Jésus dit. Il dit, que ton oui soit oui, ton non soit non, que tu sois connu pour être un homme qui dit la vérité selon son cœur. Bon, ça c'est le commandement lourd et le commandement léger. Et donc, il ne disparaîtra pas un seul iota jusqu'à justement ce que toutes ces choses-là soient accomplies dans le royaume de Dieu. Il est intéressant de noter que je voudrais revenir et terminer là-dessus, sur cette question de ces deux tables. La table, donc, la première, si tu aimeras le Seigneur ton Dieu tout ton cœur, les commandements, les devoirs envers Dieu. Et la deuxième table, les commandements en ce qui concerne le prochain, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il est intéressant de noter que nous retrouvons dans les épîtres trois fois cette manière de résumer la Torah. Finalement, les rabbins ont toujours cherché à ramener la parole de Dieu à l'essentiel, donc à la résumer en quelques mots. Et on trouve ça par exemple dans Romains 13, verset 8, où il nous est dit ceci, ou pas dit ceci, « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car toute la Torah est résumée dans cette seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Vous trouvez ça aussi dans Galates, verset 14, 5, chapitre 5, verset 14, où Paul aussi rappelle ça. Il dit toute la Torah, et quand il vient d'attaquer justement le fait de judaïser, donc de prendre la Torah d'une manière qui est erronée en ce qui concerne les païens, que sont les Galates, il dit mais, pour autant, ça ne veut pas dire que toute la Torah est abolie. Et rien de la Torah d'ailleurs n'est abolie. Mais disons que vous n'êtes pas concernés par la Torah. Parce que justement, le fruit d'esprit c'est l'amour, la paix, la joie, etc., les œuvres de la chair, et il cite finalement ce qui correspond au commandement léger, comme Jésus l'a fait. Et il dit ceci, car toute la loi est contenue dans cette seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et enfin, troisième passage du Nouveau Testament, Jacques 2, verset 8, où il est question de la loi royale, la loi du Messie, qui est justement d'aimer son prochain comme soi-même. Donc voyez-vous, Jésus n'a rien aboli dans ce domaine-là. Et je voudrais donc ici rappeler, en ramenant aussi à un autre texte, ou une autre petite anecdote qui est très connue dans le judaïsme, qui concerne deux rabbins, qui étaient fondateurs de deux écoles pharisiennes que j'ai un petit peu évoquées tout à l'heure, l'école de Shammai et l'école de Hillel. Deux rabbins qui étaient à l'origine, qui étaient la septième génération de ce qu'on appelle les ougrottes, c'est-à-dire les pères de rabbins qui sont un peu les maîtres à penser dans chaque génération. Et donc ils sont toujours deux. Et donc ces deux hommes étaient extrêmement différents l'un de l'autre. Shammai était un homme dur, un homme cassant, un homme intransigeant, intolérant, il était contre les païens, etc. Et de cet esprit-là est venu d'ailleurs dans notre langue française l'expression se chamailler. Et par contre, Hillel était aux antipodes de ça. C'était un homme doux, c'était un homme pacifique, c'était un homme conciliant qui essayait toujours d'arranger, etc. Bon. C'était l'époque où le judaïsme était très populaire parmi les païens. Beaucoup de païens se convertissaient au judaïsme. Et un jour, donc, un homme d'affaires vient vers Shammai et lui dit, écoute, voilà, je veux me convertir au judaïsme, mais je suis un homme d'affaires. Je n'ai pas le temps d'étudier la Torah. Je sais que pour se convertir au judaïsme, il faut étudier la Torah. Alors, je suis d'accord pour me convertir au judaïsme à une condition. C'est que tu m'enseignes toute la Torah pendant que je suis debout sur un pied. Shammai lui dit, mais tu te fiches de moi. Il dit, étudie la Torah, c'est l'homme de toute une vie, tu vois la porte, tu la prends. Notre homme s'en va, et il se rend chez Hillel, et lui fait la même demande. Est-ce que tu peux m'enseigner toute la Torah pendant que je suis debout sur un pied? Hillel lui dit, pas de problème, mets-toi debout sur un pied. L'autre se met sur un pied, et Hillel lui dit ceci, ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'ils te fassent, c'est toute la Torah et les prophètes, tout le reste, ce ne sont que des commentaires. C'est intéressant de noter que ce qu'on va appeler à partir de ce moment-là la règle d'or de Hillel, qui résume toute la Torah, vous la retrouvez à la fin du décret apostolique d'acte 15, quand on va prescrire aux païens un certain nombre de choses, ce qu'on appelle les lois noachiques. Intéressant de noter, je n'ai pas le temps de le faire ce soir parce qu'il faudrait encore s'arrêter longtemps, que dans le serment sur la montagne, Jésus cite 5 des 7 lois noachiques. Loi noachique, on en a déjà parlé, c'est la foi en un seul Dieu, le refus du blasphème, du meurtre, de l'adultère, du vol, de la consommation de sang, donc d'animaux vivants, et faire régner la justice parmi la société. C'est cette loi noachique. Jésus en cite 5, ici dans le serment sur la montagne, et on retrouve ça dans le décret apostolique, donc que les païens s'abstiennent, on ne cite pas évidemment l'idolâtrie sabbatoire, que s'ils croient en Jésus, ils ont renoncé à l'idolâtrie et au blasphème, mais à la pornéa, c'est-à-dire à l'adultère, et donc à la violence, et puis aux animaux étouffés, au sang. Bon. Ce sont les lois noachiques. Et les textes anciens ajoutent aussi, et qu'ils ne fassent pas aux autres ce qu'ils ne voudraient pas qu'ils leur fassent. Ça, les copistes du Moyen-Âge, les moines, l'ont supprimé parce que ça faisait trop juif. Mais dans les manuscrits anciens du Nouveau Testament, ce texte est bel et bien attesté. Donc, ne fais pas aux autres ce qu'ils ne voudraient pas qu'ils te fassent. C'est devenu jusqu'à aujourd'hui dans le judaïsme ce qu'on appelle la règle d'or de Hillel, c'est-à-dire le résumé de toute la Torah. Intéressant de noter que dans le chapitre 7 de l'évangile de Matthieu, Jésus cite ça aussi. Il dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la Torah et les prophètes. Voyez-vous, Jésus ici reprend la règle d'or de Hillel, mais il la met au positif. Hillel le met au négatif. Ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'ils te fassent. Jésus dit, fais aux autres ce que tu voudrais qu'ils te fassent. Et c'est finalement l'aune à partir de laquelle il faut donner toute interprétation de la Torah. Ça veut dire que toute interprétation d'un commandement qui n'a pas pour but le bien du prochain, le bienfait envers le prochain, n'est pas une interprétation juste. C'est abolir la Torah. Et c'est pour ça que j'ai cité tout à l'heure, par exemple, l'histoire des témoins de Jéhovah qui interdisent les transfusions de sang. Ça, c'est justement quelque chose que Jésus aurait rejeté sans appel. Parce que, effectivement, c'est une fausse interprétation. Ça veut dire que ce qui est la clé de toute interprétation de la Torah, c'est la loi d'amour inconditionnelle de Jésus et, par conséquent, de Dieu. Et ça, c'est très important, là je vais terminer de cette manière-là ce soir, en citant saint Augustin. Saint Augustin qui aussi a été très très mal compris, qui dans nos églises aujourd'hui sert de prétexte à tout un laxisme qui s'installe de plus en plus par rapport justement au commandement de Dieu, à la loi de Dieu. Et saint Augustin a dit, aime et fais ce que tu voudras. Bon, magnifique. Donc, j'aime et je fais ce que je veux. Donc, n'importe quoi. Même si Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, je vis peut-être pas d'une manière qui est conforme à la loi de Dieu, mais j'aime Dieu, c'est l'essentiel. Et finalement, Jésus a aboli tous les commandements, et il n'a laissé qu'un seul commandement, eh bien, le commandement de l'amour. Bon, on pourrait quelqu'un fait ce petit calcul, il a calculé que, bon, ça les rabbins l'ont fait depuis longtemps, il y a 613 commandements dans la Torah. Et combien y en a-t-il dans le Nouveau Testament de commandements? 1010. Alors vous voyez qu'on est loin de cette idée que Jésus a aboli les commandements. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que véritablement saint Augustin pensait que l'on pouvait faire n'importe quoi? Pas du tout. Ce que saint Augustin voulait dire, c'est ceci. Ça veut dire, quand tu es rempli de l'amour de Dieu, tu vas faire naturellement et spontanément ce que la Torah exige. Si tu es rempli de l'amour de Dieu, tu n'as pas cherché à trucider ton prochain. Si tu es rempli de l'amour de Dieu, tu n'as pas cherché à lui prendre sa femme. Si tu es rempli de l'amour de Dieu, tu ne vas pas chercher à lui voler son compte en banque. Si tu es rempli de l'amour de Dieu, tu ne vas pas chercher à lui mentir, à le tromper, et à filouter avec lui. Donc tu vas faire spontanément ce que la Torah, ce que le commandement de Dieu demande. Mais qui de nous peut dire qu'il est toujours rempli de l'amour de Dieu? Pas moi en tout cas. Il y a des moments où nous avons des passages à vide. Oui ou non? Et c'était un théologien du siècle dernier qui s'appelait Karl Barth qui disait, dans ces moments-là, bénis Dieu pour le commandement. Car le commandement est un point de repère, c'est une frontière entre la vie et la mort. Et ça te rappelle que tu ne dois pas traverser cette frontière. Et voyez-vous, si on est bien loin de cette idée, qu'on a, puisqu'on n'est plus sous la Torah, sous la grâce, je fais ce que je veux. Ça, on entend, nous les pasteurs, constamment, les chrétiens nous rabâcher ça. Je fais ce que je veux. Pas à cause toujours, je fais ce que je veux. Eh bien non, c'est pas biblique. La loi, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, l'esprit à ceux de la chair, pour que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez, dit Paul. Alors, voyez-vous, ici, je termine sur ce point, Jésus n'a pas aboli la Torah, et le sermon sur la montagne, et cette Torah, une Torah que Jésus n'abolit pas, mais dont il donne le sens profond, le sens véritable, donc il interprète la Torah pour que justement, eh bien, nous puissions la mettre en pratique, car si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Voilà, on va avoir un petit temps de questions avant de terminer. Alors, je sais que le voyage a été long et que tu peux être fatigué, mais j'aimerais bien que tu reviennes sur l'histoire des vierges de Paul, la traduction, la bonne et la mauvaise. Sûr. La traduction, l'histoire des vierges avec Paul. Un C'est intraduisible. C'est intraduisible. Parce que il y a deux manières de comprendre, deux manières contradictoires de comprendre cette expression. Soit que c'est la Vierge qui décide elle-même de garder sa virginité, soit c'est le Père qui décide de garder sa fille Vierge. Et entre ces deux options-là, eh bien finalement, on ne peut pas opter, parce que les deux interprétations sont possibles. Donc voilà, en grosso modo, pour résumer, ce problème de traduction qui est un des problèmes les plus difficiles à traduire de toute la littérature du Nouveau Testament. Okay, dernière question par rapport à « il rendait pure toute nourriture ». Oui, il déclarait pure. Il déclarait pure toute nourriture. Oui. Donc certains ont compris comme si c'était fini oui. La Pentecôte. Voilà. Donc là, en fait, je dis que il parlait du fait de se laver les mains ou pas. Voilà. Okay. Et donc, la base sur laquelle Paul dit manger de tout ce qui se vend au marché, c'est pas la même base. Là, ça s'adresse aux païens. Non, là, ça s'adresse aux païens. Ça s'adresse aux païens, tandis que Jésus enseignait dans le cadre d'Israël. D'accord. Par conséquent, on ne peut pas transposer, si vous voulez, intégralement les paroles de Jésus pour les païens. Il faut le faire au travers de ce que Paul nous enseigne. Autrement, on tombe dans justement ce que Paul dénonce, c'est-à-dire judaïser au sens négatif du terme. D'accord, merci. J'en ai déjà parlé au centre chrétien de Canaire. Au mois de juillet, j'ai rencontré un prophète juif messianique, qui habite à Jérusalem, Yuval Yané. Et lui, il nous a démontré dans la Bible, par Ézéchiel, par Ésaïe et puis Moïse. Bon, je pourrais lire Exode 24, mais je préfère lire aussi plutôt Exode 32, 20, 15 et 16. Moïse redescendit de la montagne les deux tablettes du témoignage à la main. Les tablettes étaient écrites des deux côtés. Elles étaient écrites de la part et d'autre. Les tablettes étaient l'ouvrage de Dieu. L'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tablettes. Lui, il a dit, personne ne pouvait n'a vu Dieu. Et il a dit que c'était Jésus qui avait. Oui, c'est possible. C'est une interprétation possible. Finalement, ça n'a pas tellement d'importance. Non. Est-ce que ça veut dire que c'est écrit des deux côtés? Justement, on se posait la question cette semaine. Ça veut dire, ça justement, les rabbins l'ont interprété de la manière suivante. Il y a deux Torahs. Il y a la Torah écrite et la Torah orale. Et donc, il y aurait donc des choses qui ont été gardées secrètes et qui auraient été révélées aux rabbins par la suite. Bon, ça, on peut en discuter, et c'est loin d'être une affirmation absolument certaine. Mais non, là, j'ai pas de réponse vraiment. Sur le mariage. Attends, il avait posé la question avant. Bon, bonsoir. Allez, bien, vas-y. Donc pour la question du divorce où Paul tranche en fait en tant que pochette sur les épaules pour légiférer pour dire maintenant ce sera comme ça. Oui. Donc si j'ai bien compris entre ce que dit Jésus et ce que dit Paul, le divorce c'est niet. C'est niet. Pour aucune raison. C'est-à-dire le divorce est possible en cas où le mari abandonne la femme, ou disons l'incroyant, ça peut être aussi bien la femme que le mari d'ailleurs, mais là, seulement le remariage est impossible. Voilà, quand il dit qu'elle n'est plus liée, c'est pas pour non, elle n'est plus liée, elle n'est plus tenue de vivre avec son mari. Voilà, donc elle peut être acceptée en tant que chrétienne dans l'église, la Sainte Vierge, si son mari est parti, qu'il l'a laissée, mais pas forcément de se remarier. Pas forcément. Parce qu'aujourd'hui, on entend souvent parler de délassement de victimes. Donc, si Paul avait tranché et avait légiféré dans ce sens, parce qu'il y a diverses interprétations, donc au niveau... Alors, vous avez un texte, évidemment, qui est celui sur lequel on se base, en général, pour justifier le remariage. C'est le texte où Jésus dit, donc, celui qui répudie sa femme, sauf pour pornéga. Alors, sauf pour adultère. Donc, on interprète cette idée que s'il y a eu adultère, le remariage devient possible. Or, comme à peu près tous les divorces se terminent par des coucheries, on peut dire que dans tous les cas, il y a adultère, et que par conséquent, on peut justifier tous les divorces. Bon. Or, justement, c'est pas du tout le texte biblique, si on le prend tel qu'il est très clair. Celui qui répudie sa femme, sauf pour pornéga, l'expose à devenir adultère. Et celui qui épouse une femme répudiée, quelle qu'elle soit, commet un adultère. Ça veut dire que celui qui répudie sa femme, eh bien, automatiquement, dans la mesure où elle risque de se remarier, pour Jésus, elle va commettre un adultère. Donc il la place dans une situation, celui qui répudie sa femme la place dans une situation où elle a toutes les chances de redevenir adultère. sauf si elle est déjà adultère, elle ne deviendra pas plus après. Mais ça ne veut pas dire pour autant que Jésus autorise le remariage. Il n'y a que la mort qui sépare. Il n'y a que la mort qui sépare. Alors, ce n'est pas politiquement correct, je m'en excuse, mais moi, je ne suis pas un herméneute, hein, je suis un exégète. Ça veut dire que je suis quelqu'un qui essaie de comprendre ce que le texte biblique dit, en mettant de côté tous les a priori théologiques, idéologiques, philosophiques et autres, pour essayer de comprendre ce que le texte dit. Après, chacun interprète comme il veut, moi, ça ne me regarde plus, mais je veux qu'on sache, quelle que soit l'interprétation qu'on va donner de ces textes, ce que le texte a voulu dire. Je voulais juste savoir, quand les scribes réécrivent la Torah, est-ce qu'ils marquent le nom de, avec le tétragramme ? Bien sûr. Oui. Et c'est en cela, justement, que il faut le faire en état de pureté. Oui. Donc, avant d'écrire le nom de Dieu, on se plonge dans un migvé. Et lorsque l'on a écrit le nom de Dieu, on brise la plume. Parce que la plume n'est plus digne d'écrire à autre chose de plus sublime que ce qui a été écrit. On prend une autre plume. Oui, vous avez parlé de Pierre. Oui. Il a dû recevoir cette vision du ciel, des animaux impurs. Mais souvent, on dit que Pierre avait besoin que Dieu le reprenne un peu, lui donne une leçon, etc. Moi, j'avais plutôt tendance à voir que Pierre était marqué par la parole de Dieu qui demandait aux juifs de ne pas avoir de contact avec les non-juifs et que ça durait jusque-là, mais que depuis que Jésus était mort et ressuscité, il y avait comme un changement de paradigme et que ce qui avant était interdit devenait possible. C'était pas simplement parce que Pierre était dur qu'il était... Vous voyez, on laisse entendre, moi j'ai souvent entendu des enseignements de pasteurs tout qui mettent ça sur Pierre, alors que non, je pense que Dieu montrait qu'il y avait un changement de saison. Oui et non, dans la mesure où quand même, disons, Jésus avait déjà ouvert la voie dans ce domaine, notamment en recevant les pécheurs. Et ça veut dire que finalement, comme il dira lui-même d'ailleurs, si quelqu'un s'endurcit dans le péché, qu'il soit pour toi comme un païen. Ça veut dire que, en fin de compte, la tradition juive mettait sur le même plan les pécheurs scandaleux d'Israël, disons les choses comme ça, et les païens. Par conséquent, en accueillant les pécheurs scandaleux, Jésus, en quelque sorte, ouvrait la porte à l'accueil des païens qui devaient venir après lui. Et finalement, les apôtres, Pierre, au début donc avec cette histoire de Corneille, n'ont fait que finalement aller dans le sens de cette porte que Jésus avait au moins entrouverte. Oui, que Jésus a entrouverte. Oui. Jusqu'à Jésus, c'était fermé. Pas pour tout le monde. Par exemple, un homme comme Hillel accueillait les païens. C'était plutôt l'école de Shammai qui avait cette vision très très rigoriste. Ah oui, mais en même temps, il aurait été demandé de ne pas se marier. Donc si on ne veut pas se marier avec leur fille, de ne pas marier les... Ah oui, ça bien sûr. Donc il fallait bien qu'ils se protègent. Oui. C'est le milieu de Dieu, ça. Oui, mais disons, pour un homme comme Hillel, il pouvait y avoir repentance. Et bon, évidemment, un prêtre ne l'aurait pas, et même un pharisien aurait hésité à épouser la fille d'un publicain ou d'un péager. Ça va de soi. Et puis il y a toute cette idée dans le judaïsme aussi, ce qu'on appelle les mamzerim, c'est les enfants illégitimes, etc. Jésus était accusé de l'être d'ailleurs. Mais disons que c'était quand même. C'était pas aussi strict que dans la tradition shamaïte. Ouais. Parce que Jésus, par exemple, avec la cananéenne, au début, il ne répond pas. Non. Comme si il y avait l'ancienne saison. Oui. Et puis après, quand même, il oui, parlera. Oui. Parce que, oui, mais alors, c'est peut-être pas tellement parce qu'il il a des préventions contre les païens en soi, bien que Jésus ne les estimait pas beaucoup quand il, par exemple, le texte qu'on citait tout à l'heure, qu'il soit pour toi comme un païen. Les païens sont des gens qui disent des vaines redites, ne soyez pas comme les païens qui s'imaginent qu'à à force de paroles ils seront exaucés. Donc Jésus n'avait pas beaucoup d'estime pour les païens. Comment ? Les petits chiens. Mais, disons, Jésus a su que les païens étaient acceptés dans le royaume de Dieu. Par exemple, justement dans l'évangile de Matthieu, vous avez ce texte où Jésus dit aux villes du triangle évangélique, Bethsaïda, Chorazin et Capernaum, si les miracles qui avaient été faits au milieu de toi dans Tyr et dans Sidon, elles se seraient repenties. Et si ça avait été fait dans Sodome, elle se serait repentie. C'est pourquoi au jour du jugement, Tyr et Sidon seront jugés moins rigoureusement que toi. Et ensuite, les hommes de Ninive se lèveront avec les gens de cette génération, la condamneront parce qu'ils se sont repentis à la prédication de Jonas. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement, etc. Donc Jésus ici a su. Il a compris que les païens donc étaient acceptés dans le royaume de Dieu, mais de fait, il y avait un temps. Le temps, c'était d'abord le temps d'Israël, et après viendrait le temps des païens, et c'est la grande commission maintenant, aller dans le monde entier, prêcher par la bonne nouvelle à toute la création. Vous avez ça aussi dans Luc 24, Jésus ressuscité donc dit à ses disciples, c'est là ce qui était annoncé dans la Torah de Moïse, les prophètes et les psaumes, à savoir que le Messie devait mourir et ressusciter, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. Oui, mais j'ai deux questions sur Skype. Alors, une qui me semble plus simple et plus courte. Est-ce que Jésus n'est pas la Torah ? Il est la Torah faite chair, oui. C'est ce que Paul nous dit c'est ce que Jean nous dit dans le prologue. Au commencement était la parole était avec Dieu. Il est la Torah faite chair, oui. Okay. Alors, une peut-être plus compliquée. Enfin, donc c'est Michel qui revient sur le commandement du Shabbat. Pour lui, c'est un commandement lourd et il ne comprend pas que qu'on le respecte pas suffisamment. Est-ce que tu peux... Oui, alors ça c'est une question du Shabbat. Elle revient constamment. Ah ouais. Non, là il faut reprendre l'enseignement de Paul. Le Shabbat, c'est quelque chose qui est quand même spécifique au peuple d'Israël. Et notamment, dans les 7 lois noachiques, il n'est pas question du Shabbat. Et aujourd'hui, n'importe quel rabbin, demandez à n'importe quel rabbin, il vous dira qu'un païen n'est pas du tout astreint au Shabbat. Par contre, l'idée d'un repos hebdomadaire, ça oui. Alors, je suis bien d'accord avec le fait que, en fait, changer... comme on l'a fait dans l'histoire de l'Église, le jour du Shabbat au dimanche, était une erreur. Ça, c'est indiscutable. Mais c'est fait. Et finalement, c'est assez secondaire. Paul nous dira, par exemple, dans l'Épître aux Romains, tel considère les jours comme tous égaux, tel non, finalement, Paul dit, en fin de compte, c'est assez indifférent. Que chacun ait une pleine conviction dans ce domaine-là. Si certains croient qu'ils doivent respecter le Shabbat, qu'ils le fassent. Ils ne pêchent pas. Mais qu'ils ne jugent pas et qu'ils n'essaient pas d'imposer ça à ceux qui ont une pratique différente. Or, ici, nous vivons dans un temps où 2000 ans de christianisme on fait que c'est le dimanche qui est le jour du repos. Bon, comme disait le professeur Baruch, qui était un juif pieux, ce qui est essentiel, c'est qu'il y ait un jour où non seulement l'individu soit au repos, mais où ce soit finalement tout l'environnement. Si bien que finalement, bon, les juifs c'est autre chose, parce que pour eux c'est une marque de leur appartenance au judaïsme que de respecter le Shabbat, donc même dans des pays comme les nôtres, ils le font. Mais disons, le professeur Baruch disait ceci, vous les chrétiens, battez-vous pour le maintien du dimanche, parce qu'il voyait bien l'évolution, à savoir que de plus en plus maintenant les magasins ouvraient le dimanche, etc. Et il disait, quand tel aura son jour de repos le lundi, tel le mardi, tel le mercredi, etc., vous allez voir l'explosion exponentielle des maladies mentales. Merci. Moi, tu as... tu as cité que pas mal de lois de Halakha se sont été réalisées après... ont été codifiées après, oui. Après. À partir du deuxième siècle, oui. Est-ce qu'on peut considérer que les propos de Jésus ont eu une influence sur, sur la réécriture, enfin, sur le fait de terminer ces lois de Halakha, puisqu'il a... Non. Oui et non. Il y a un texte, effectivement, dans le Talmud, je ne me souviens plus exactement comment c'est. Ah oui, c'est un peu différent. C'est donc un rabbi qui a reçu une révélation par Jésus que de l'amour inconditionnel de Dieu pour Israël. Mais non, l'enseignement de Jésus n'a pas eu une influence décisive sur la halakha. Non. Non. Il y a eu ce qu'on appelle la birkat minim, on en a déjà parlé quand on a évoqué le divorce entre l'église et la synagogue, la bénédiction des judéo-chrétiens, qui est en fait une malédiction, et qui finalement avait pour but au départ de fustiger plus exactement les gens de Qumran, qui eux justement poussaient à l'extrême l'idée de la séparation, quoi. Juste une question justement quand on parle de la séparation des juifs avec les autres peuples, bon c'est peut-être un peu au-delà de ce qu'on dit ce soir, mais aujourd'hui il y a une loi qui est passée en Israël qui parle de ça aussi, qui dit que Israël est le peuple et la nation. Ah non, non, c'est pas sûr. Faut pas mélanger les choses. Non, c'est pas du tout la même chose. Non, c'est-à-dire que la loi israélienne ne fustige pas les gens qui ne sont pas de religion juive. Elle dit simplement que, ce qui a toujours été depuis la fondation de l'État d'Israël, mais qui est rappelé, à savoir que Israël est un État juif. Ça veut dire que les institutions sont marquées par la loi juive, on y respecte le Shabbat, on y respecte les fêtes, on y parle hébreu, etc. Et ça ne veut pas dire que les autres minorités sont discriminées. Et que ce soit les musulmans, que ce soit les chrétiens, ils ont leurs propres fêtes qui sont respectées, ils ont leurs propres cours de justice qui ne sont pas les mêmes que celles des Israéliens. Ils ont une autonomie à l'intérieur de l'État d'Israël, mais d'un État qui est fondamentalement un État juif, qui est un État qui est fait pour les juifs. Et par exemple, c'est la raison pour laquelle des gens qui ne sont pas nés en Israël, et qui sont des non-juifs, en principe ne peuvent pas devenir citoyens d'Israël. C'est le cas par exemple de mon fils. Mon fils, il est là-bas, mais il n'aura jamais la citoyenneté israélienne. Il aura au mieux un certificat de résident permanent, mais pas la nationalité israélienne, il ne pourra pas voter. Tandis que ceux qui sont nés sur place, les Arabes ou les chrétiens, eux sont pleinement citoyens d'Israël à part entière, ils votent, ils ont leur propre parti politique à la Knesset, etc. Ça n'a rien à voir avec cette idée là de la pureté des non-juifs, ça n'a rien à voir. C'est une loi uniquement politique. Je peux permettre une petite question, revenir sur la parole des villageois. Oui. C'est la version en hébreu qui est diffusée. Non, en grec, c'est du grec. Là, et c'est dans l'hébreu, les mots là. Mais non, ce n'est pas de l'hébreu, c'est du grec. Le Nouveau Testament est écrit en grec. Ouais. Ouais. Non, non, mais c'est une langue absolument absconde. Là, c'est... On a téléphoné à des spécialistes du grec pour leur demander un petit peu de conseil. Il dit, ah, vous êtes l'histoire des vierges, ben, je vous souhaite bien du plaisir, les amis. Qu'est-ce que tu penses de cette pensée qui dit que les apôtres, en fait, après l'ascension de Jésus, n'étaient pas encore éclairés? Ah. Alors, ils étaient dans leur fable judaïque, et les pères de l'Église sont venus après prendre les arrestations pour les signes, etc. Ça fait partie justement de la théologie de la substitution. Mais le texte biblique nous laisse entendre absolument le contraire. Parce que justement, les douze sont présentés dans l'Évangile, dans le Nouveau Testament en général, comme les fondements de l'Église. On retrouve même ça dans l'Apocalypse, où donc sur les portes de les 12 portes de Jérusalem, les fondements portent le nom des 12 apôtres. Vous retrouvez ça dans 1 Corinthiens 2. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et donc l'Église de Jérusalem persévérait dans l'enseignement des prophètes. Ça veut dire que les apôtres sont leur enseignement est normatif pour l'Église de tous les temps et de tous les lieux. Il ne peut pas avoir autre chose que justement ces normes des prophètes. Et c'est la raison pour laquelle, au moment de la disparition physique des apôtres, le canon du Nouveau Testament est clos. Ça ne veut pas dire que tout le Nouveau Testament est écrit par un des 12. Mais ça veut dire que tous les écrits du Nouveau Testament ont été passés au crible de l'examen des 12. On voit ça avec Paul, par exemple, qui, après avoir donc commencé son ministère, se rend à Jérusalem pour rencontrer les principaux des apôtres, pour leur exposer l'évangile qu'il prêche. Et après avoir entendu ce que Paul leur dit, les apôtres lui tendent la main d'association, ça veut dire, ils disent, nous reconnaissons dans ce que tu prêches ce que nous avons entendu de Jésus. Et c'est la raison pour laquelle, pour appartenir au collège du 12, il fallait avoir suivi Jésus depuis son baptême jusqu'à son ascension. Ça veut dire d'avoir été au bénéfice de toute l'épopée finalement de ce qu'avait été la vie de Jésus pour pouvoir justement en juger. Et c'est la raison pour laquelle, au début du deuxième siècle, quand tous les apôtres avaient disparu, un petit livre comme la Didaché des 12 apôtres, qui pourtant n'a rien d'hérétique, et on a discuté pour savoir si on allait ou non l'ajouter au Nouveau Testament. Et finalement on a dit non, parce qu'il n'y a plus d'apôtres vivants pour dire si, oui ou non, c'est conforme à ce qu'ils ont entendu de la bouche de Jésus. Et on retrouve ça, par exemple, dans d'autres traditions où nous voyons justement, dans les écrits des pères, il y a un texte qui nous dit que dans les années 60, Pierre se trouvait à Rome. Bon. Et il y avait déjà donc des communautés chrétiennes importantes qui se réunissaient essentiellement dans des maisons, puisqu'on n'avait pas de lieu de culte à l'époque. Il ne faut pas en tirer des conclusions non plus trop profondes dans ce domaine-là. Il y en a qui prétendent aujourd'hui qu'il ne faut plus se rassembler dans des lieux de culte, mais uniquement dans des maisons, c'est aller trop loin. Il y avait dans différentes maisons d'église dans la ville de Rome. Et un beau jour, donc, Pierre rentre dans une de ces maisons d'église où se tenait un culte. Évidemment, on reconnaît Pierre, c'est pas tous les jours qu'on a la visite de Pierre, on le fait asseoir, on lui donne la parole. Et Pierre dit, qu'est-ce que vous étiez en train de faire? Et celui qui présidait la réunion lui répond, nous étions en train de lire l'évangile de Marc, le récit de la multiplication des pains. Et donc, selon ce texte, Pierre répond ceci, eh bien, oui. J'y étais. Et je peux vous dire que vraiment les choses se sont passées comme ça. Et même, je peux ajouter des détails qui ne sont pas dans l'évangile de Marc. Donc voyez-vous, c'est ça le fondement des apôtres. Les apôtres sont les témoins, et quand on prend le texte, vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre, on le prend pour nous, mais les témoins, c'était les 12. Qui, eux, étaient témoins pour toutes les nations jusqu'aux extrémités de la terre. Après, on peut le prendre pour ça aussi, c'est pas défendu. Mais dans le sens premier, c'était aux 12 qu'ils se... Par conséquent, le fondement des apôtres, comme dira l'apôtre Paul, est un fondement que personne d'autre ne peut poser. On ne peut pas poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir justement le fondement des apôtres et des prophètes. Et ce faisant donc, cette idée qu'on trouve dans le catholicisme en particulier, que l'Église est en évolution et que, disons, elle est de plus en plus éclairée par le Saint-Esprit sur les mystères du royaume de Dieu, ne correspond pas du tout à ce que la Bible enseigne. Pas du tout. C'est la théorie de l'évolution. Oui, une certaine forme de théorie d'évolution, oui. Oui, oui. Oui. Oui. que j'en profite là, sur les fondements des apôtres et des prophètes. Oui. Est-ce que ces prophètes font référence aux prophètes de l'Ancien Testament ou aux prophètes, prophètes de l'Église. Aux prophètes de l'Église. Les apôtres à l'époque. Oui. Les... Je ne vois pas vraiment. Si, à Agabus. Il y a Barnabas qui était aussi... Paul aussi était prophète, nous est-il dit. Donc il y avait des gens, et on voit ça dans la Didaké. À l'époque de la Didaké, début du IIe siècle, il y avait encore des apôtres et des prophètes ambulants. Intéressant d'ailleurs de noter qu'il y a des instructions qui sont données au sujet de ces prophètes ambulants. L'auteur dit ceci, s'il y a un prophète au milieu de vous, recevez-le 3 jours, donnez-lui ce qui est nécessaire. S'il reste 3 jours, fichez-le dehors, parce que c'est un faux prophète qui vient pour profiter. Et c'est impossible que ça fasse référence au prophète de l'Ancien. Non, parce que ça vient après les apôtres. Et vous trouvez ça aussi dans la liste des 5 ministères d'Éphésiens 4, les apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Donc les prophètes sont subordonnés aux apôtres. Mais ce sont 2 ministères qui sont complémentaires. Oui, une question qui n'est pas plus ou moins en rapport avec le Shabbat, mais auquel m'a fait penser Samuel. Je crois que c'est une prof d'hébreu qui m'avait dit qu'en Israël, les gens pouvaient choisir leur congé en fonction de leur religion. Oui, c'est vrai, c'est vrai, bien sûr. Les Arabes peuvent avoir les fêtes de l'Israël. Ah, ils ont leurs fêtes à eux, voilà, bien sûr. Ils ont oui. leur jour de congé. Ah ben oui, il voilà. ah, ben oui, y a pas de problème. Il y a pas de problème, ils ont leur synagogue, ils ont leur mosquée. Non, je sais, je crois pas. Non. Bien, dernière question, puis on va s'arrêter là. J'ai pas bien compris ce que vous avez dit tout à l'heure, et en disant que les chrétiens, les chrétiens sont un peu comme si ils passaient par-dessus la jambe de l'évangile. Attendez, les chrétiens? Non, j'ai compris que j'ai pas bien compris ce que vous avez dit sur les chrétiens à la fois. Comme si aujourd'hui les chrétiens, ils étaient un peu. Moi, je pense que c'est pas les chrétiens qui sont au-dessus. C'est aussi le système de pensée qu'on essaye de nous imposer. Le consumérisme et compagnie, l'argent, etc., les puissances, l'argent et les puissances, c'est ça surtout. Mais les chrétiens, ils sont comme les autres, c'est comme les autres, ils sont très persécutés, ils sont acculés à vivre que, à ne plus vivre que l'évangile. Donc, attendez, où ça? Là, dans le monde, en ce moment. Pas tellement dans nos pays. On n'est pas persécuté pour l'heure. Ah, oh là, ça, je sais pas où je vais. Vous savez, la persécution, oui, non, mais c'est ce que... Persécution, hein. Oui, il y a persécution. C'est pas la Chine, mais c'est d'accord. Ce genre de persécution. Oui, enfin, c'est un... Oui, il y a toujours des... Il y a un prix à payer, mais disons, le problème, comme vous l'avez dit très justement, oui. C'est que la plupart des chrétiens en Occident, eh bien, composent avec tout cet esprit que vous avez évoqué, celui du siècle, le consumérisme, l'individualisme et le matérialisme. Ça, c'est le grand problème de l'Église aujourd'hui, en Occident en tout cas. Des chrétiens en général. Et des chrétiens, non, enfin, en Occident. C'est moins vrai dans d'autres pays. Attends, j'ai trouvé que votre phrase a été un peu forte. Enfin, après, voilà, c'est pas je ne sais pas ce que je sais pas trop ce que j'ai. À quoi vous faites allusion. En commentant aime et fais ce que tu veux. On avait l'impression que vous dites que les chrétiens, maintenant, c'est fais ce que tu veux et bon. Ah ben, malheureusement, ça, c'est pas d'aujourd'hui. C'est pas d'aujourd'hui, vous savez, ça fait partie d'une certaine théologie qui est née, disons, déjà il y a plusieurs siècles. Enfin, aujourd'hui, quand on écoute nos chefs religieux, c'est pas « fais ce que tu veux », c'est « aime », oui, d'accord. « Aime », c'est « fais ce que tu veux », mais « aime ». Oui, mais enfin, ça, moi, je n'ai fait que citer saint Augustin, c'est pas moi qui l'ai dit, cette phrase. D'ailleurs, je voudrais rebondir par rapport à ce que vous venez de dire, par rapport à la phrase qu'a citée Jean-Marc, qui a été dite par saint Augustin. Jean-Marc a ajouté que quand saint Augustin a dit « aime et fais ce que tu voudras », en réalité, plutôt que de le prendre comme on l'a pris en disant « à partir du moment où j'aime, je peux faire ce que je veux et jusqu'à violer la loi. En réalité, donc, si j'ai bien compris ce que Jean-Marc a commenté, en commentant donc « La parole aime et fait ce que tu voudras » qui est de Saint-Augustin, Jean-Marc a dit qu'en fait ça voulait dire que quand tu es rempli de l'amour de Dieu, tu feras naturellement et spontanément ce que demande la Torah. Tout à fait. Voilà. Bien, on va s'arrêter là si vous voulez bien.